En ce moment tout me bassine, la rue est CRS, de la merde, elle est pute, même le rabat. Mais pour que ça elle bassine. Les faux vendent plus que les vrais, mais j'hallucine. C'est mauvais signe, constate la décadence. Quand car ceux qui mentent marchent sans prix sur le dos du monde. Et rien ne l'excès authentique. Bref, j'érange, j'assassine. Les faux, ils mangent, vendent plus en laisse que les vrais, mais j'hallucine. S'ils remplir ses fesses pour le remplir ses poches, je suis pas une pute. Mangent, oh yes, alors que la fin nous reste fidèle à moi et à mes proches, putain. Peu trop, j'ai ta confiance fait rare comme les pucelles. Comme les ennemis qui sortent de mon quartier sans séquelles. Donc je n'attends personne, j'avance pour ma gueule. Même si je ne suis pas tout seul, mais je suis très souvent, je perds la conscience. Je perds mes sens, comme quand je tise mon essence, mec. Oh yes. Je crie ma rage comme à la naissance. Le rap n'a plus de valeur et le public n'a plus de recours. Mon stylo, scène car la douleur est dans la mine, ça me fascine. Toute cette merde alors je dessine un rap qui tourne dans les tests comme ton boule. Pleine, l'entrée que l'encre c'est cool. La rue m'inspire noir sont mes pros. Qu'on appelle dur mes vrais, pleine de jamais que cause. Mon stylo dérape quand je compose. J'ai plus rien, mais rien, rien à faire pour la rue m'inspire, noir sur mes bros. Sur mes vrais, pleine de ce que je cause. Si ce rap, tu sais que la vérité est de 7-7. Devenu une arme. Rap, lutte, souvent tomber les larmes. Ça fuse partout, comme quand t'éjacules. Quand j'accuse, et ils voudraient que je m'en excuse. Je le dis souvent, c'est la rue qui m'inspire. Je respire le bitume volumé pour mon espire. Que le tabac, le shit ou l'alcool. Les frères tombent dans le goût. Pour Babylone, alors MC, si je m'exprime fort, c'est qu'on m'oblige. Je rappe sans mes forces et sans trop d'efforts. De toute façon, rap c'est pisse. Si tu veux, merci. En ce moment, faudrait qu'on t'appelle fiston. Y'a rien de vrai que du bluff. Des mecs qui vendent leur stuff. Des faux MC qui veulent test. En bref, rien de neuf comme dans mon quartier. En tout Goomba, près d'ennemis, putain. Sin, la rue te parle en utilisant la mine. Rue et CRS de la mer. Garde, elle est fine, elle est précise. Tu butes même l'or, c'est la rime. Pas que tu belles bassines. Les faux blés polémiques au moment où je m'expande plus prime que les vrais. Mais j'ai vu des gars sur internet parce que j'ai mauvais si représente. Mon star rue n'a qu'une parole, alors je la représente. Quand je m'inspire, noir sont mes bros. Sur mes frais, pleine de ce que je cause. La décadence, quand je suis dans l'autre mag, c'est pas autant dont je compose. J'ai plus rien de rigueur, la ferme j'assassine. Les faux ventes gros s'y opposent. Plus que les vrais, mais j'hallucine. La rue m'inspire, noir sont mes bros. Sur mes styles, remplir ses fesses pour remplir ses poches. Je suis prêt, pleine de ce que je cause. Pire. Je reste fidèle à moi. J'ai la rage et à mes proches. Nos rimes c'est grave. Quand je rappe c'est horrible. Ici la conf, mes vêtumes dans les phrases. Ah, comme les pucelles, la rue m'aspire. C'est comme ça que les ennemis qui sortent de mon salle. Quand quartier crasse, c'est là sans séquelles. Donc tout n'attend pas. Comme les ennemis, elles sont.